Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour, bienvenue à Puissance maximale sur les ondes de Sekoy FM 88.3. Vous devez trouver que la voix est un peu différente, car exceptionnellement, aujourd'hui, ce n'est pas Sieur Michaud qui est aux commandes. En fait, Monsieur Michaud est parti couvrir un événement à la bibliothèque Gabriel Roy. Il va être de retour avec nous un peu plus tard dans l'émission. En fait, c'est votre fidèle serviteur Andrew Castegan, chroniqueur, metteur en ondes de Puissance maximale, qui va animer cette première partie d'émission. Donc, on est présentement jeudi le 14 mars, un peu avant la Sainte-Patrick. Donc, si vous le saviez pas, je suis descendant irlandais, fait que profitez-en pour venir me souhaiter la Sainte-Patrick. Donc, aujourd'hui, émission très chargée. On a des nouvelles ludiques. On va avoir Michael Michaud qui va venir nous parler de l'exposition manga et culture culturelle de la bibliothèque Gabriel Roy. Et aussi, il y a moi-même, plus tard dans l'émission, qui va parler de la conférence de Samsung qui vient de commencer. En fait, je pensais qu'elle commençait à 5 heures, mais elle commençait à 6 heures, d'où l'importance, quand vous regardez des nouvelles, de regarder le fuseau horaire. Donc pour vous rappeler, Puissance maximale est une émission ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3, donc une radio communautaire. Donc, prenez le temps d'aller sur le site pour nous écouter, regarder l'incroyable programmation de la station et en même temps devenir membre un petit 20$ pour aider à Puissance maximale et la station à continuer ses activités. Et aussi en même temps, ben nous avons une page Facebook donc vous avez qu'à rechercher Puissance maximale. Il y a deux noms qui vont sortir. Nous, on est la station de radio avec notre charmant petit logo. Faites un j'aime parce que nous, on vous aime. Et en même temps, ben faut être membre de la page Facebook si on fait des concours et des choses comme ça, parce que sinon vous n'êtes pas éligible pour gagner des prix. Et aussi en même temps, nous avons un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez regarder effectivement des reportages que nous avons faits à certains événements, écouter nos anciennes émissions en podcast et également lire les articles qu'on met, parce que oui, on fait de la radio et des choses comme ça, mais on ne fait pas que parler, on écrit une fois de temps en temps. Donc, on va commencer en musique et on va aller avec un petit spécial métal pour continuer sur le même élan que la semaine passée. On va aller avec la Superman Meets Metal faite par l'excellent Eric Calderon et on écoute ça sur les ondes de 88.3 FM Puissance maximale. We'll be right back. Et oui, vous avez compris, mesdames et messieurs, mettez-vous à genoux devant Zod. Et oui, Michael Michaud qui arrive tout juste de la bibliothèque Gabriel Leroy. Et merci à nous d'avoir commencé l'émission. Fait plaisir. Et là, écoutez, ben, on a plein de choses. Ben, comme on a parlé hors d'onde, moi puis Andrew, là, je pense qu'on parlera pas de Samsung, finalement, parce que là, leur truc, ça va être à 7 heures. Ouais, ben, sur un site, j'avais lu 5 heures, Eastern Daytime, qui est notre fuseau horaire. Genre? Finalement, je tombe sur un autre site qui dit, ah, c'est à 6 heures, Eastern Daytime. Fait que je me dis, bon, OK, mais ils ont fait une faute. Et là, je viens d'ouvrir un autre site, fait que je me dis, ah, je vais voir s'il y a des nouvelles qui viennent de sortir. Et là, c'est écrit 7 heures, Eastern Daytime. Ah! Bref, on va vous parler de ça la semaine prochaine. Mais bref, c'est confirmé, c'est le S4. T'avais des doutes et pas moi. Non, mais j'avais des doutes parce que j'avais pas vu l'affiche avec le gros 4 dessus. Parce que quand moi j'avais vu la nouvelle, c'était The Next. T'es Next, ça peut être bien des choses. Oh. Mais là, ils ont vraiment fait une affiche avec un 4 dessus. Fait qu'on s'entend-tu que c'est comme pas mal le seul produit de Samsung qui est rendu à sa 4e génération. Donc, il va y avoir une annonce là-dessus ce soir. Mais bref, on va vous parler d'autre chose, nous, en attendant. Comme a dû vous dire Andrew, j'arrive tout juste de la bibliothèque Gabriel Leroy qui est en face des studios de CKIA FM. T'es, on peut pas avoir des nouvelles plus fraîches que ça. Et non, et c'est l'inauguration aujourd'hui de deux expositions à Québec. En fait, c'est les expositions Raconte-moi un manga et manga L'art du mouvement, si je me rappelle rapidement du nom des expositions en question. Ça se passe dans le hall central de la bibliothèque. Et finalement, on rentre dans un mois, en fait, du 15 mars. Donc, à partir de demain, jusqu'au 28 avril, on rentre en programme manga à l'Institut canadien, donc à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et là, vous allez avoir accès à plein d'activités et à ces deux expositions-là. En gros, les expositions vont vous parler du manga dans son esthétique, dans sa façon de dessiner, les symboles, la symbolique, finalement, tout le code du manga. Et on va vous présenter également des œuvres... en fait, la commissaire des expositions nous dit qu'elle a choisi ses coups de cœur à elle. C'est pas un horizon... l'horizon complet de ce qu'on peut retrouver dans le manga. C'est pas tous les classiques qui sont là, mais c'est quand même des très bons titres. Et moi-même, j'ai découvert des auteurs là-bas, donc des mangaka. Donc, ça vaut la peine, si vous êtes connaisseur, d'aller peut-être aller découvrir des nouvelles choses. Sinon, de juste vous introduire là, à ce monde merveilleux qui est le manga. Mais là, en plus de tout ça, bien, vous allez avoir beaucoup d'activités. J'ai le programme entre les mains. Là, j'ai pris ça avant de m'en venir, là, vous rejoindre à l'émission. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je vous raconte ça... Il y en a vraiment pour tout le monde, pour toute la famille. On a des histoires animées pour les jeunes de 4 à 10 ans. C'est tous des trucs gratuits, en fait. La plupart des trucs sont gratuits, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit tout à l'heure à la bibliothèque. Puis même que dans le programme, là, je vois pas de prix d'affiché. Donc, ça va avoir l'air la peine de se déplacer. Vous allez avoir des trucs comme d'ateliers artistiques, de fabrication de poupées japonaises en papier. Bricolage, encore une fois, pour les 7 à 12 ans. Concocter une boîte bento, donc le bento qui est un peu la boîte à lunch japonaise, mais vous allez pouvoir en faire avec l'atelier culinaire du croquignolais, voilà. Il y a plusieurs dates, moi je vous suggère bien évidemment de vous rendre sur le site internet de l'Institut canadien pour aller chercher la programmation, ou si vous passez par une bibliothèque, ils vont sûrement avoir ça entre les mains. D'ailleurs, bibliothequedequebec.qc.ca/manga, vous allez pouvoir retrouver la programmation. Sinon, autre chose, on va vous parler pour dessiner les visages de manga, les yeux, donc des ateliers de dessin, bien évidemment, qu'on parle BD. Là, c'est toujours intéressant de voir les techniques, surtout pour les dessinateurs en herbe en vous. Il y a possibilité aussi, il y a encore des contes, les contes de Bartok. Vous allez avoir l'univers du manga, de l'animation, qui va vous faire découvrir justement l'univers de cette bande dessinée japonaise. On va avoir aussi des jeux, bien évidemment. Là, vous allez avoir des jeux qui vont être présentés lors de ces expositions-là, lors des activités. Vous allez avoir découvert du Japon par Valérie Harvey. Valérie Harvey, qui est une globe-trotteur de la région de Québec, qui est allée au Japon, qui avait sorti l'excellent petit livre « Passion Japon » disponible aux éditions La Hamac. Vous allez pouvoir avoir un peu l'idée de son voyage au Japon. Mais là, elle va venir raconter finalement son voyage directement à la bibliothèque, venir parler de son livre aussi. Et elle va venir avec son duo musical, parce qu'elle fait également de la musique. D'ailleurs, je voudrais m'excuser tout de suite aux gens, aux fans de l'émission, parce que je respire fort. Je suis enrhumé, mesdames et messieurs. J'ai un problème de voix et de respiration. Donc, je m'excuse si vous entendez Vous m'entendez respirer fort. Et je m'excuse pour ma voix. Ben moi, je trouve que ça te donne une voix radiophonique, ma foi, incroyable. Ouais, c'est ça, une voix. Tu chanterais un petit peu, là, ça ferait du Barry White. Ouais, c'est ça. My darling. Bref. T'as même la petite toune d'ambiance. Ouais, c'est ça. Can't get enough of your love, babe. Bref, on continue. Introduction à la culture pop japonaise également. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir des trucs autour du manga aussi, ce qui inspire le manga. Une autre activité bien intéressante. Et là, une que j'aime beaucoup. Cinéma. On va présenter à la salle polyvalente de Gabriel Leroy ici. Donc, des films, entre autres, de Hayao Miyazaki. Un grand des grands. Celui, finalement, derrière le studio Ghibli. Derrière des titres, et ces titres seront présentés. Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Cowboy Bebop. Je savais pas qu'il avait travaillé sur Cowboy Bebop. Ben voilà, tu le sais. Maintenant, je vais me coucher moi niaiseux ce soir. Princesse Mononoke, bien évidemment, titre que je suis dû de réécouter. C'est un des seuls, je pense, de Miyazaki qui a passé à super écran. Effectivement. Je sais pas, Voyage de Chihiro? Bonne question. Faudrait vérifier. Pas. Faudrait vérifier auprès de super écran. Mais bref. Je l'aurais écrit en ce moment même. Voilà. Princesse Mononoke, donc Voyage de Chihiro et le Château ambulant. Vous pouvez aller voir ça. Les dates sont inscrites dans le programme. Vous allez voir ça sur Internet tout au long. C'est vraiment intéressant. C'est des classiques. C'est des super bons films. Autant des. Il y en a un peu plus pour les adultes. Princesse Mononoke a des scènes plus crues un peu, mais quand même très intéressant. Donc, vous pouvez aller vous chercher la programmation pour le cinéma également. On vous parlait de Passion Japon avec Valérie Hervé et son duo musical également qui vont être là. Vous allez pouvoir... petit cours pratique de lecture de manga. Parce qu'on a certains mangas, de la façon qu'ils sont édités dans le sens de lecture originale. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est un petit atelier pratique et amusant pour apprendre à lire un manga. Pourquoi pas? Du dessin, encore une fois. Il va y avoir une exposition pour découvrir certains créateurs de l'Europe qui ont touché au style des mangaka. Parce que oui, il y en a, mesdames et messieurs, ces deux styles-là, ça parle la BD européenne occidentale et la BD japonaise, le manga, se sont parlé au fil des années et il y a eu des influences, bien évidemment, d'un côté comme de l'autre. Et on va vous présenter ça à la bibliothèque Aliette Marchand. Parce que ça se promène dans tout le réseau, là. C'est pas juste à Gabriel Leroy que ça va se passer. C'est pour ça que là, je vous donne rapidement là, les activités, mais... Allez vous chercher le programme, c'est juste pour vous donner l'eau à la bouche. Et dans les grosses activités aussi vraiment intéressantes, ils vont être bien évidemment au rendez-vous de la bande dessinée francophone. Ils vont faire un petit quelque chose lors du Salon du Livre, parce qu'ils sont là en même temps. Donc, suivez ça également. Et il va y avoir une soirée cosplay, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le cosplay, je le répète rapidement, là, c'est l'union du mot costume et play. Donc, où les gens vont interpréter d'une certaine façon leur personnage, vont se costumer dans leur personnage favori, de leur manga favori. Et il va y avoir une soirée cosplay au Musée de la Civilisation le vendredi 12 avril à 20h. Donc, pour les adultes et les ados, un bal manga dans la halle du musée. Donc, voilà, vous amenez votre cosplay et vous venez vous amuser là-bas. Et vous venez vous amuser directement au Musée de la Civilisation. Une belle programmation, je trouve. Et surtout que, de la façon qu'on nous parlait à la bibliothèque, on va aller enfin au-delà du stéréotype du manga qui est fait vraiment pour les enfants ou trop violent ou avec, des fois, des scènes sexuelles... explicite, on va vraiment dans la pluridisciplinarité ou bref ça, tout l'horizon si large du manga, c'est ça que ça fait quand t'essaies de dire un mot compliqué quand t'as le nez plein, ça, c'est ça que ça donne. Donc l'horizon si large justement du manga, on va aller voir tout ce qui est disponible, historique, pour les jeunes garçons, les jeunes filles, pour les plus petits, les plus grands, on va aller partout, on va expliquer finalement toute la richesse de ce médium-là dans le réseau des bibliothèques de Québec dans le mois qui s'en vient. Donc du 15 mars au 28 avril, on vous parle de manga ici à Québec dans le réseau des bibliothèques. Voilà, c'est ce que j'ai pu apprendre en me rendant là-bas. Vous allez voir, les expositions sont vraiment bien faites. En fait, c'est pas compliqué, c'est différents socles où vous allez avoir des exemplaires sous cloche de plexiglas, là, des exemplaires des grands classiques avec une description de l'auteur aussi, des œuvres et des faits marquants de cette œuvre-là et de cet auteur-là, de son travail. Ça va être quand même assez bien décrit. Fait amusant, je trouve vraiment ça vraiment intéressant. Il y a un mur où on va avoir les expressions faciales qu'on trouve souvent dans les mangas, la façon que les sourcils sont placés, la veine de colère, des trucs du genre, là. Je trouve que c'est vraiment une belle idée. Faut dire que ces deux expositions-là, c'est la version réduite un peu de ce qui a été présenté à la Grande Bibliothèque de Montréal en 2011, 2012 et 2013. Donc, ils en ont amené une partie ici pour nous présenter ça à Québec. Donc, voilà pour les gens qui veulent aller s'initier au manga ou tout simplement aller parfaire leur connaissance ou découvrir de nouvelles choses. C'est un rendez-vous à Québec pendant tout le mois, en tout cas, la moitié du mois de mars et tout le mois d'avril. Monsieur Castegan, nous retournons en musique. Oui, comme je disais plus tôt, mais t'étais pas là pour l'entendre. J'ai continué sur ta lignée de spécial metal avec Arm Cannon et Eric Calderon. C'est exactement. Et là, on va y aller avec une toune de Arm Cannon qui est Walter Diley, qui est un petit medley des chansons de Dr. Wily dans Mega Man. Excellent. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Je trouvais qu'il y avait une voix qui fitait avec toi. Ah, effectivement. C'était un hommage. Merci. Hommage à Mike. Philippe Despalières. je le trouve drôle, moi, cet indicatif là. Je le trouve sensuel. Comme ça, là, je l'écouterais sans cesse en répétition sur une peau d'ours près du foyer. Ouais, moi aussi. Tu sais, cette peau d'ours et ce foyer. Oui, que t'as dans ton appartement. Bon, dans mon Royal 2,5. Et continuons. Après, c'est quelques niaiseries. Nouvelle ludique, M. Castegan. Oui, en fait, donne-moi 2 secondes, j'ai un problème. Mais en fait, je vais vous annoncer tout de suite, pendant qu'elle nous recherche, que tantôt, là, après une chanson, je vais vous parler de 2 jeux que j'ai essayés cette semaine. J'avais comme une rage de testostérone et de... Ben, de testostérone. D'homme viril. D'homme viril. Qui se touche. Donc, ouais, effectivement. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas des jeux homo-érotiques, mais bien, Marc, je vais parler de lutte professionnelle. Donc, pour certains, ça pourrait ressembler à ça. Mais bref, j'ai loué 2 jeux. Le jeu WWE 13, donc la WWE 13. Bref, un jeu de lutte basé sur la franchise WWE et UFC Undisputed 3. Donc, je vais vous parler de ça tantôt. Deux jeux du défunt THQ. Et heureusement qu'il est défunt. Et je vais vous compter ça tantôt. Donc, on continue en nouvelles. Oui, maintenant que mon Google Chrome a arrêté de m'afficher des pages blanches. Première nouvelle. Je vous annonce... en fait, je vais vous parler de 2 nouvelles. Un en lien avec Kickstarter, site qu'on aime beaucoup. Vous avez été curé qu'on vous en parle, mais on l'aime, ce site-là. Non, on peut faire découvrir des projets intéressants aux gens. Oui, exactement. Puis une autre nouvelle qui a passé par l'autre site de financement, Indiegogo, qui est comme l'équivalent, mais à échelle internationale. Parce que Kickstarter, on vous rappelle, je crois, c'est britannique. Américain. Et maintenant, il est disponible au United Kingdom. Donc, au Royaume-Uni. Mais le Canada n'est pas impliqué, il rentre pas là-dedans. Même si on fait partie du Commonwealth, on peut pas y participer, malheureusement. Alors, bref, vas-y avec tes nouvelles. Oui, et donc, première nouvelle sur Kickstarter. En fait, je vous annonce que le jeu contrôlé par l'esprit a été financé, mesdames et messieurs. Donc, en fait, un projet baptisé « Throw Trucks with Your Mind » vient d'obtenir 40 000 $, ce qu'il demandait sur Kickstarter. Donc, exactement, en fait, c'est 47 287 $. Donc, on parle quand même de quelque chose « break-even », là, on s'entend, là. Fait que, tu sais, c'était financé de justesse. Mais c'est quoi, on peut tirer des... Des camions avec son esprit. Avec notre esprit. Mais c'est quoi le jeu? En fait, c'est pas un jeu. C'est juste parce qu'ils veulent élaborer un accessoire pour ordinateur permettant de contrôler les jeux par l'esprit. Donc, c'est juste parce que le démo technique pour montrer ça, ben, c'était de lancer un truck avec l'esprit. Fait que c'est pour ça qu'on a appelé le projet Throw Trucks with Your Mind. D'accord. Je comprends pourquoi ils ont juste fait le break event. C'est pas... en tout cas, bref. D'accord. C'est quand même... ça fait différent de... On finance un jeu, là. Ça pourrait être un accessoire intéressant, mais... Beaucoup de détails. Non. En fait, la nouvelle fait un paragraphe. En fait, ils disent que le projet en question relève de ce vieux serpent de mer qu'est le jeu vidéo contrôlé par la pensée, ou plus précisément par les ondes cérébrales. Essentiellement, la différence entre un état détendu, tendu et concentré, le but étant de déplacer des objets en les projetant. La technologie n'est pas nouvelle. Ils utilisent le casque Neuroski, dont nous vous avions déjà parlé. Ça, c'est le site de nouvelles qui dit ça. Mais en fait, Neuroski, c'était un casque... qui permettait de contrôler des jeux par l'esprit. Sauf que c'était... Beau lien, Andrew. Mais c'était, en fait, vraiment pas au point. Fait que eux autres, ils ont comme sorti cette technologie-là des Boulamites et ont dit, écoutez, nous autres, avec 40 000, on va faire quelque chose qui marche. Ah, c'est fait bon. Que, dans le fond, c'est ça le projet. Sinon, deuxième projet, cette fois-ci, sur le site Indiegogo. En fait, il y a un petit jeu de combat indie un peu à la... Guilty Gear, c'est ce nom de jeu-là. J'ai un blanc, mais bref, un jeu. Blaze Blue, tiens. On va faire référence avec un nom que je me rappelle. Blaze Blue qui a été inspiré du jeu que j'essaie de vous dire le nom, mais que je suis pas certain. Mais bref, Skullgirl, qui était un jeu indie fait par un plus petit studio qui était disponible sur les marchés market comme PlayStation et Xbox et. Etc. Dans le fond, la compagnie voulait sortir un DLC, mais ils se sont dit développement, pas beaucoup d'argent, puis le jeu, malgré qu'il est très excellent, quand même pas tant vendu que ça, puis là, ils tiennent leur projet à cœur. Fait qu'ils ont décidé d'aller par Indiegogo pour financer leur projet. Et dans le fond, ils visent un financement de 150 000 $ pour faire le DLC. Et présentement, il reste 13 jours à leur levée de fonds sur Indiegogo. Ils sont rendus à 382 471 $. C'est cool, ça. Donc, on peut s'attendre à ce que le DLC aille lieu. Excellent, on a hâte de voir ça. Sinon, ça va pas bien pour Sony? Ah non? Bah, tu m'étonnes, mais pourquoi donc? Ben en fait, vous connaissez Sony, c'est une compagnie qui veut toujours innover. Ah oui, ils sont révolutionnaires! Révolutionnaires tout en étant conservateurs. Et la fameuse PS Vita, malgré qu'elle a repris un peu du poids de la bête versus la 3DS et tout ça, c'est pas encore tout à fait au point. Puis elle a de la misère à faire un peu sa place, mais... Bizarrement, parce que c'est une Christie de bonne machine. Oui, merci. Et tout ça pour dire que dans le fond, il y avait deux versions qui sont sorties de cette console-là, dont une que tout le monde connaît, et une autre qu'on savait qu'elle existait, mais c'est un peu comme une rumeur, un mythe. Personne ne l'a réellement vraiment vu en vrai dans les mains d'un consommateur. On parle ici de la PS Vita Wi-Fi et 3G. Il n'y en avait pas au Canada? Moi, j'en ai jamais vu. Tu as cherché? J'ai cherché. Okay. Quand j'ai acheté la mienne au lancement, je peux te jurer que j'ai vu aucune PS Vita Wi-Fi 3G, puis même sur le site de Best Buy ou de Future Shop ou de quoi que ce soit, j'ai déjà vu le produit affiché, mais je ne l'ai jamais vu avec des quantités disponibles en magasin. Quand il avait annoncé, il avait dit que ça allait être AT&T aux États-Unis, qu'il allait avoir, être le fournisseur du service. Normalement, Roger. Ah, c'était Roger ici? Au Canada. Ben, normalement, quand AT&T a le service aux États-Unis, c'est Rogers qui a le service en Amérique du Nord, ben Canada. Un peu comme la... l'Xperia Play, dans le fond, là, que ça a été le même principe. Là. Okay. C'est AT&T qui avait le contrôle aux États-Unis et Roger qui l'a récupéré par la suite mais pour le Canada. Mais il ne s'est rien passé à ce niveau-là. Non, c'est comme resté pas mal mort. Puis je te dirais que c'est pas juste au Canada, là. Même aux États-Unis et ailleurs dans le monde, c'est une console qui c'est pas vraiment vendu. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une mythe. On voit des boîtes, des écrits 3G et tout ça, mais on voit pas la machine en soi dans les mains des gens. Le monde a généralement opté pour le Wi-Fi. Et qu'est-ce qui explique cela? C'est que les centres-villes et les centres urbains et tout ça sont de plus en plus connectés. Donc c'est de plus en plus facile d'aller dans des lieux publics et d'avoir accès à Internet. Donc, avoir besoin de passer par un 3G payant. Exactement. Fait que ça fait en sorte que surtout pour une PS Vita, à part des fois dans un autobus ou quoi que ce soit qu'on joue avec, et en plus les réseaux de transport en commun ont de plus en plus du Wi-Fi inclus, quoi que ce soit. Fait que ça fait en sorte que le monde a moins tendance à jouer avec le 3G, ils ont des Wi-Fi accessibles dans les lieux publics. Fait que c'est un peu normal que cette console-là disparaisse. Puis de toute façon, le monde qui a besoin d'un Wi-Fi ou quelque chose comme ça, ben des fois ils activent le Wi-Fi sur leur téléphone et utilisent l'antenne 3G de leur appareil mobile. Voilà. Donc, finalement, c'est qu'ils vont le retirer du marché? Progressivement. Donc, on va en voir de moins en moins. Et les revendeurs ont commencé à faire des soldes sur qu'est-ce qu'eux avaient en magasin déjà. Ah, ben écoutez, ça vaut la peine, là. Si vous voulez vous acheter une PS Vita, vous êtes juste pas obligé de vous servir du 3G. C'est ça. Voilà. Maintenant, dans le cas qui revient moins cher que le Wi-Fi, gâtez-vous. Une autre nouvelle, M. Castagnard, avant de partir en musique. Patrice Desilets, de retour chez Ubisoft. Et oui, c'était un développeur qui travaillait pour Ubisoft, qui avait travaillé sur Prince of Persia et Assassin's Creed, qui avait quitté. Je crois que oui. Quand on a commencé à tomber dans les Brotherhood, je pense qu'il a quitté après Brotherhood. OK. Je pense qu'il avait participé à Brotherhood, puis il avait quitté par la suite. Quand que Revelation avait été annoncé, puis Parti chez THQ, mais là THQ THQ Montréal. En fait, il était parti pour travailler sur de nouveaux projets à THQ Montréal, mais on sait que THQ c'est mort. C'est mort. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Ubisoft ont acheté le studio de THQ Montréal et ont fusionné cette filiale-là avec eux. Fait que Patrice Desilets est de retour chez Ubisoft, mesdames et messieurs. Ben, moi, je suis content parce que on y fait des bons produits, là, mais. Je sais pas si lui est content. Je ne sais pas, mais en tout cas, sa photo, il sourit. Mais je suis pas sûr que c'est une photo qui a été prise. On ne sait pas. Peut-être qu'il a fait la paix avec ses anciens collègues. Mais peut-être qu'il ne retravaillera pas non plus Assassin's Creed puis Prince of Persia. Il va peut-être continuer à travailler sur ses projets de THQ qui ont été repris. Oui, parce que ça n'a pas été genre fusionné à Ubisoft Montréal. Ça reste un autre studio, je pense. J'ai pas les détails dans l'annonce. Bref, Patrick is back. Donc, on va voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Et M. Castagnard, musique. Oui, en fait, on va continuer dans la lignée du métal. Là, on va retourner avec la gang de... Ben, le gars qui fait des meets métal. Dis son nom, mec. Éric Calderon. Merci. Sauf que là, je me suis décidé de me gâter. Vous allez remarquer un peu le lien. J'ai passé Superman tantôt. Là, ça me tentait de me gâter Teenage Mutant Ninja Turtle. Oh yes, vous entendez ça, puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Ah, Normand. Maudit que je l'aime, cet indicatif-là. J'ai juste mis des... J'ai fait un best-of. Ouais. Et de retour à Puissance Maximale après les Tortues Ninja. C'est vrai qu'elle est bonne, cette reprise-là, avec le petit côté... avec la petite reprise de Vanilla Ice aussi, là. On aime ça. Belle reprise, Eric Calderon. Et on va parler, mesdames et messieurs, de deux jeux de virilité en cette avant-veille du combat de Georges Saint-Pierre. Moi qui pensais que tu allais dire de la Sainte-Patrick. Ben aussi, mais oui, d'ailleurs, on vous rappelle, l'année passée, on avait fait un spécial boisson à Puissance Maximale. On vous avait parlé des excellents drinks à boire à la Sainte-Patrick, toujours de façon modérée, parce que la modération a bien meilleur goût, surtout le lendemain matin. Mais c'est vrai, on a fait un spécial là-dessus l'année passée. Écoutez, Guinness. On va faire ça rapidement, là. Guinness. Guinness. Kilkenny. Kilkenny. Dans les classiques de la bière irlandaise. Sinon. Si vous êtes dans le coin de Lévis, au Corsaire, la Davy Jones. Effectivement, ouais. Stout. Si on y va dans les autres, dans les microbrasseries, c'est sûr que le grimoire microbrasserie que j'ai découvert cette année au Festibière de Québec, ça vaut vraiment la peine. On a des excellentes bières, surtout à boire justement avec modération, parce qu'ils ont des bières très goûteuses, à l'érable, entre autres. Des excellentes bières, je vous les recommande chaudement. Sinon, toujours, il y a la chartreuse que j'avais bu l'année passée, que je suis vraiment pas convaincu. C'est pas un drink spécialement. Il y a des fans. Si vous voulez être vraiment typiquement irlandais, c'est de l'alcool vert. Ouais, puis vous n'avez pas besoin de mettre de colorant alimentaire vert dedans. Voilà, donc la thématique verte, vous pouvez toujours aller vers la chartreuse. Après cette chronique rapide, on en reviendra, là, c'est des noms qui nous viennent en tête pendant la chronique, avant la fin de l'émission, on vous donnera des petits cues, là, alcool pour la Saint-Patrick. Et on y va avec critique, si on peut dire ça, de deux jeux de sport de contact. Le jeu WWE 13 et le jeu UFC Undisputed 3. Ça me tentait. En fait, c'est deux jeux qui me tentaient d'essayer depuis longtemps. Andrew me dit pourquoi ne pas les louer. Je fais pas fou, toi, parce que ça fait longtemps que j'avais pas loué de jeu. Et c'est ce que j'ai fait la semaine passée. Et là, avec quand j'étais jeune, je jouais avec beaucoup de jeux de lutte sur ma Nintendo 64. D'ailleurs, selon beaucoup d'experts de ce genre de jeu, les meilleurs jeux de lutte ont été faits sur 64 et n'ont pas été atteints côté niveau gameplay. Un gameplay aussi intéressant, là, c'était vraiment à ce niveau-là là, qu'on avait les meilleurs. Mais j'ai quand même voulu essayer les nouveaux, surtout pour le graphique, là, parce qu'à l'époque, ça faisait dur. Mais là, avoir quelque chose de très léché. Bon, on a ça dans les deux jeux. Je vais commencer par vous parler de WWE 13. Donc, évidemment, vous vous retrouvez avec un jeu de lutte professionnelle avec des personnages qu'on connaît plus ou moins, parce que moi, ça fait des années que j'ai pas écouté ça. Donc, les nouvelles superstars de la WWE, je les connais pas tant que ça. Donc, je suis allé avec les classiques. Écoutez, je vais commencer par le gameplay. Ça se fait bien. Il est pas pire le gameplay, sauf que le truc, c'est qu'il y a du reverse. Puis il suffit d'être bien timé. Puis finalement, reverse. Il se passera jamais rien. On va se taper dessus. En tout cas, je trouve que c'est un peu facile. Moi, je peux pas parler. Je l'ai pas essayé le jeu de lutte. Non, on a essayé. Je vais pouvoir parler de UFC, mais le jeu de lutte, je l'ai pas essayé. Donc, je trouve que le gameplay, je vais en parler aussi rapidement, le jeu de lutte, parce que j'ai décroché assez rapidement en ayant UFC à côté. Une belle esthétique, par exemple, on est dans le domaine du, ce qu'ils appellent le sport entertainment, donc le divertissement sportif. Donc, tout est dans, c'est très léché, on peut faire notre part plus tard, ça prend vraiment du temps, là. J'avais décidé de rentrer dans l'entreprise, dans l'aventure de me faire mon propre lutteur. Après 2 heures et quelques, j'avais pas fini. Là, j'étais juste dans l'esthétique encore. Donc, ceux qui veulent vraiment se partir une carrière, ben, ça fait vraiment, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez vraiment y aller d'une façon très personnalisée, avec votre entrée personnalisée, aller fouiller dans les musiques qu'ils ont, c'est vraiment, là, du point A, de A à Z, là. Mais vraiment au très, très, très poussé. Faut vraiment avoir de la patience, mais ça vous donne quand même un personnage à votre image, si vous voulez, ou en tout cas de ce que vous voulez avoir comme lutteur. Moi, j'avais commencé à me faire justement un genre de hooligan irlandais, mais bref, j'ai pas eu le temps de terminer. J'ai joué avec, je voulais tester le jeu plus. Donc, très beau, c'est un super beau jeu. La dynamique est intéressante, ça va bien pour les combats. Le gameplay est un peu facile. Il y aurait une façon, je pense qu'il y aurait eu façon de rapprocher ça de l'ancien gameplay, parce que c'est THQ qui faisait les jeux à l'époque aussi. Il aurait pu garder quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, bref. Surtout qu'on a la croix directionnelle, on a deux joysticks, on a tout ce qu'il faut pour faire comme l'ancien gameplay. Je comprends pas qu'ils soient jamais retournés vers cette formule-là. C'est chiant, qu'est-ce que je vais dire, mais je vais te répondre la chose suivante. Tu vois, ils ont fermé. Ouais, ben... C'est un message pour l'autre compagnie. C'est ça, c'est à cause de mon jeu de lutte que vous avez fermé THQ. Et vos temps de loading. Ouais, ben ça, j'allais en parler justement. C'est l'enfer. Ça charge constamment. Je comprends qu'il y a des... Tu sais, il y a la vidéo d'entrée, puis il charge les replays, mais... c'est ridicule, là. C'est vraiment long pour rien, là. Puis c'est la même affaire pour UFC. Point vraiment intéressant pour WWE, pour les les gars de ma génération... Donc, moi qui approche la trentaine, qui ont écouté ça dans les années 90, début 2000, vous avez une section où vous allez rejouer les anciens matchs à l'époque de la... comment ils appellent ça? La Attitude Era. Donc, à l'époque où c'était vraiment la compétition entre la WCW et la WWF à l'époque. On revit les grands moments de la Attitude Era, donc la venue de D-Generation X, excusez-moi, et des grands moments comme ça à partir de dessus. On va les revivre, tous les matchs importants. C'est vraiment le fun de revivre ça. Quand j'étais jeune, j'étais un fan de lutte parce que c'est comme un téléroman, mais avec des claques à la gueule, puis des coups d'échelle, des coups de chaîne derrière de la tête. Donc, Bob Hall meilleur que Virginie ou 30 vies, selon moi. Donc, ça, c'était vraiment un truc vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour les vieux fans de lutte qui veulent revivre ça. Sinon, gameplay un peu déficient, beau jeu, mais j'ai décroché rapidement. Donc, je mettrais un 6.5 sur 10 pour WWE 13. Passons à UFC Undisputed 3. Là, on passe à quelque chose. Attends un peu, je vais faire une transition. Allez, annonce ton jeu. Donc, on va passer à UFC Undisputed 3. Donc, merci Ando. Donc, j'ai toujours voulu. On va se lancer. Parce que ma fête est dans deux semaines, je voulais faire mon cadeau à l'avance. Ben, félicitations. Donc, on se lance dans l'octogone cette fois-ci, pas dans le ring, où on va incarner des personnages, combattants connus et aussi votre propre combattant, si vous le voulez, dans le monde du combat ultime du mixed martial arts ou des arts martiaux mixtes, mélangés, si on va être vraiment français dans le tapis. Donc, vous allez incarner différents personnages. Vous pouvez y aller de petits combats comme ça, vous pouvez y aller dans des tournois, vous pouvez aller aussi dans un mode pour rejouer, refaire des combats célèbres de la ligue UFC. Et ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai beaucoup fait, le mode carrière, où on va faire son propre personnage et on va partir du bas de l'échelle pour aller dans les plus petites ligues jusqu'à se rendre à la UFC et avoir des titres. Et on va gérer notre carrière avec nos sports, avec nos commanditaires, notre entraînement. Et là, les commanditaires, c'est aller s'en chercher, les disposer sur nos vêtements pour avoir le plus de visibilité possible pour qu'ils nous donnent de l'argent, s'entraîner avant les combats, donc puis monter notre personnage selon nos faiblesses. Et voilà. Et avec ça, vous avez vos combats, bien évidemment. Dans une année de jeu, en tant que tel, c'est à peu près 4 ou 5 combats. Et là, avec ça, ben là, vous passez votre personnage vieilli aussi d'année en année. Et c'est simplement résumé comme ça, mais c'est comme ça que ça se résume, là, le mode carrière. C'est franchement intéressant. Coupe de combat, on fait nos entraînements, on choisit selon nos statistiques, quelles statistiques on veut augmenter. On apprend des nouveaux coups, des nouvelles techniques, selon ce qu'on préfère, selon l'école ou selon la place où on s'entraîne. On a tel type de techniques. Moi, je suis allé pour un cogneur. J'étais pas très bon au sol, mais ça paraît qu'on n'est pas très bon au sol quand on se fait faire une soumission. Premièrement, le système, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait pour la soumission. C'est pas facile. C'est pas facile. Le jeu en tant que tel est pas facile. Moi, j'ai fait mon personnage. Après ça, on fait des tests, savoir à quel niveau ils vont nous mettre. Puis moi, ils m'ont mis à beginner, le plus poche de la gang, parce que moi, je tapais, je bloquais pas beaucoup, donc ils m'ont mis un beginner, mais au sol. Même bloqué, c'est pas évident. Non, c'est ça. Faut vraiment être timé, faut faire attention. C'est difficile, mais moi, je trouve que c'est une bonne simulation. Faut vraiment attendre, aller chercher le bon moment. Quand on va bloquer, c'est ça, faut se promener, faut pas taper tout le temps parce que on va s'épuiser, on va taper moins fort, moins vite. Donc, aller chercher les bons coups, il faut apprendre comment ça marche au sol, se dégager, apprendre des techniques au sol pour taper d'une telle façon en telle situation ou pouvoir faire des bonnes soumissions. Bref, un jeu difficile, mais vraiment, vraiment amusant. Moi, je me suis fait beaucoup de fun. C'est un achat, mais en tout cas, selon moi, c'est un achat à faire pour les gros fans de jeux de combat et gros fans de UFC. Achetez-vous ça neuf, ça vaut la peine. Moi, je trouve, quand on est un gros fan, pour ma part, moi, si je le trouve usagé, je vais sûrement le rajouter à ma collection. J'ai joué sur PS3. Et encore là, une esthétique. Parce que là, l'action se passe dans l'octogone, donc esthétique vraiment très belle et des belles textures, des beaux détails sur les combattants. C'est violent, donc c'est du UFC, quand on tape, il y a du sang, il peut y avoir du sang. C'est des coups directs à la tête, des fois, là, donc des KO. On continue à taper dessus après. C'est vraiment là, c'est comme si on... En tout cas, selon moi, c'est comme si on y était. Jeu difficile, mais un achat pour les fans de jeux de combat, de simulation et, bien évidemment, de UFC. Donc c'est tout. Moi j'ai pas vu là. Moi je les ai loués, donc j'ai pas le prix en tête là. Je sais que les jeux de lutte usagés. Ils prennent du temps à descendre. Puis en plus ils sont fermés. THQ, donc encore le même problème. Hein, je l'ai dit tantôt, mais je le rappelle. Là, le même problème de loading très très long quand vous jouez à UFC. Effectivement, il est long pour un combat. Surtout quand on joue en multijoueur. En multijoueur, t'es. Ah, puis en carrière aussi. En carrière. Non, mais là... en multijoueur, c'est à cause que tu peux te taper genre 45 secondes de loading pour un match de 1 minute et demie. Puis là, il y a les présentations des combattants qui sont là-dedans. Puis à la fin. Il déclare le gagnant, tu peux pas le skipper parce que ça fait partie du loading. Ça fait que pour des combats qui peuvent durer comme dans les vrais combats, ça peut durer 30 secondes, comme ça peut durer 3 rounds. Mais quand ça dure 30 secondes, se taper 2 minutes de loading, c'est chiant. Donc, gros bémol par rapport à ça. Mais vous pouvez trouver ça dans mon magasin préféré. Je suggère l'usager pour ceux qui sont pas des total mordus, mais pour les grands fans, c'est un must, selon moi. On va en musique, M. Castagan, avant d'aller en nouvelle? Oui, on va retourner dans les contrées de Arm Cannon. Oh yes! Pour Marty Myfun. Ah oui! Une reprise de Mighty Morphin Power Rangers. Et vous entendez sa puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente reprise de Mighty Morphin Power Rangers. D'ailleurs, Arm Cannon, personnellement, Mike, je te remercie, c'est ma découverte et il joue en boucle dans mon téléphone quand je travaille. Ah ouais, ben moi, c'est sans faire ça. Je suis un gros fan de reprises, on en fait souvent jouer à l'émission, là, mais il est pas mal dans mon top 3 maintenant, Arm Cannon. Je trouve que c'est des reprises une coche au-dessus. Parce que, ouais, ben ils ont fait un medley de Megaman, là, ouais, à part Dr. Wily, là. Ça serait pas que le medley dure 7 minutes, là? Oh, à un moment donné, une émission de 2 heures, là. Ça fait longtemps qu'on a pas eu de spécial 2 heures à puissance maximale. Mais. Un jour, qui sait. On va y aller pas en musique, mais en nouvelles avant la fin de l'émission, M. Castagan. Oui, on avait annoncé qu'on allait parler de Samsung. On va en parler encore un peu. En fait, c'est pour vous aviser que, effectivement, je vous confirme que le live stream pour assister à la conférence de Samsung est bel et bien à 7h, notre heure à nous. Donc, si vous allez sur live stream, vous allez avoir la page principale, un peu comme qu'est-ce que Sony avait fait, dans le fond, là, pour la PS4. Ben, ça va être pareil pour le Samsung. Et là, ils ont commencé à nous teaser un peu avec des images. Et tu sais, comme je vous disais, Samsung avait confirmé que c'était le Samsung Galaxy S4, mais c'était pas une annonce officielle que c'était le Samsung Galaxy S4. Ils ont juste dit, il y a un 4. Mais là, il va avoir des images. Il y a des images. Mais là, il y a des photos. Des photos puis, de téléphone. Je vous dirais, là, je vois le coin supérieur droit du téléphone. Si on considère que la droite du téléphone, c'est comme une personne qui est face à moi, là. Puis ça ressemble pas mal à un téléphone. En tout cas, si c'est une tablette, là, ils ont changé le design en tabarouette. Puis aussi, en même temps, ben si ça serait l'exemple le Galaxy Tab 4, ben il aurait sauté le 3. qui serait pas vraiment logique. Voilà. Puis aucun autre produit de la gamme Samsung qui est rendu à sa quatrième version à part le Galaxy. So, par exemple, je suis surpris parce que autant qu'il y a du monde qui capote sur le Facebook de Samsung actuellement qui disent « Oh mon Dieu, le Galaxy S4, ça! » Il y a du monde qui sont de mon opinion à faire « Quoi? » Déjà un S4? Ouais, parce que l'S3, vous venez de sortir le S3. Uh-huh. Fait qu'il y a un petit peu de rogne à ce point de vue-là. Ben, parce que Samsung avait vraiment fait une grosse campagne marketing pour dire que le Samsung Galaxy S3, c'était « the next big thing ». Mais en fait, c'est que même encore aujourd'hui, le Samsung Galaxy S3 reste un des téléphones les plus forts du marché. Et là, le monde sont comme « ben là, c'est quoi que vous allez sortir? » C'est cher pour ceux qui ont le S3, là, qui ont fait « oh yeah, je vais regarder pour un et petit bout. » Et même le Note 2, là, dans le fond, là, qui est comme le petit enfant bizarre entre la tablette et le téléphone. Et il y a beaucoup de monde qui disent que Samsung serait peut-être un peu opportuniste parce que qu'est-ce qui sortait cette semaine? Le BlackBerry Z10. Uh-huh. Donc, il y a du monde qui disent que peut-être que Samsung essaye de voler un peu la vedette. Mais en même temps, il y a beaucoup, comme je te parlais un peu sur les internets, le magazine Forbes disait que Samsung commençait à être très épeurant, autant pour Apple, parce que Apple veut pas y perdre un peu de terrain au point de vue d'innovation, parce que t'es dans le fond, l'iPhone 5, autant qu'il est beau, c'est loin d'être le meilleur téléphone sur le marché. Mm-hmm. Et aussi, en même temps, Google commence à trouver que Samsung prend peut-être un peu trop de place dans l'écosystème Android. Donc, ça serait à surveiller. Donc, on va voir ça plus tard. On vous en parlera la semaine prochaine, après qu'on ait pu voir ou lire des nouvelles à propos de ça. Effectivement. Sinon, deux nouvelles rapides. Payday the Heist 2 prévu cet été. Ouh-ha. Jeu qu'on avait critiqué. Très dur, mais très divertissant. Oh yes. À jouer en coop en ligne. Sinon, Xbox 720, Next ou peu importe le nom vous y donnez, et la PS4. PS4, on sait déjà qu'elle a été annoncée pour Noël 2013, mais qu'est-ce qui peut englober début 2014? Des développeurs d'Assassin's Creed Ubisoft diraient qu'on verrait ces deux géants de l'industrie de la console sur nos étagères en novembre. Il y aura un combat, un affrontement en novembre sur les étagères. Mesdames et messieurs, on va suivre ça pour vous. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Merci beaucoup, Andrew, d'avoir été là, d'avoir commencé sans moi. Ah, tu vas voir, l'intro était cœurante. Ah, j'imagine bien. Merci beaucoup, Andrew, d'être là chaque semaine pour moi et pour tous les auditeurs. Merci pour ta magnifique mise en onde. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, votre serviteur ludique, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez aller chercher des nouvelles, nos anciennes émissions en mode podcast et écouter aussi des entrevues seules qu'on a fait tout au long de notre vie radiophonique. Et vous pouvez aller sur Facebook, aller dans la barre de recherche, taper Puissance Maximale, appuyer sur le bouton j'aime, parce que nous on vous aime, et ne vous gênez surtout pas pour partager notre page avec vos amis qui aiment les jeux ou qui veulent découvrir finalement l'univers des jeux. Ne vous gênez surtout pas. Mon nom est Mickaël Michaud et je vous dis comme à chaque semaine, passez une excellente semaine de jeu. Never kissed a lady before. Nope. Woo! All right. Take it home.